L'apostrophe, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h. L'émission, coproduite par l'apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, et votre radio locale, RGB 99.2. Bonjour, très heureux de vous accueillir sur l'antenne de votre radio locale RGB pour cette rentrée de l'apostrophe, l'émission, ce mois de septembre 2013. Invité pour cette émission aujourd'hui, Jean-Louis Ekel, co-metteur en scène de La Terre qui ne voulait plus tourner. C'est une création à l'affiche de l'apostrophe du 8 au 12 octobre prochain. Bonjour. Bonjour. Joséphine Markowitz, qui sera, si bien, en insert téléphonique, directrice artistique musique au Festival d'automne à Paris. Nous allons la retrouver dans quelques instants. Et enfin, Jean-Pierre Plondre, plasticien, conseiller art plastique à l'apostrophe. Bonjour. Bonjour. L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Prochainement à l'affiche dans le cadre du Festival d'automne à Paris, tout d'abord un premier spectacle sur quatre spectacles en partenariat d'ailleurs pour l'apostrophe avec le Festival d'automne à Paris. Commençons par les traditions vocales du Cap. Joséphine Markowitz, vous êtes avec nous ? Oui, oui. Bonjour. Bonjour, l'occasion pour vous de nous présenter un spectacle qui est donc présenté dans le cadre du Festival d'automne à Paris et en partenariat avec la scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, l'apostrophe. Le spectacle, eh bien, il s'agit des traditions vocales du Cap, avec effectivement deux ensembles qui forment un chœur de plus de 50 chanteurs d'exception. Parce qu'en réalité, on est face à deux chœurs différents, chacun étant de 25. Et ce qui va être proposé au public de Cergy-Pontoise, c'est un témoignage sur des traditions vocales différentes. Et c'est pour ça que le spectacle, en fait, c'est une soirée qui se décompose en trois parties. Alors, je vous explique la première partie. D'abord, juste un mot de la ville du Cap. C'est la ville de la grande diversité. C'est la ville où depuis des siècles se sont succédés des strates de population qui sont arrivées pour certaines d'Europe, pour d'autres d'Indonésie, de Malaisie et d'Inde. Et tout cela a constitué au fil des siècles une population particulièrement multicolore, très diverse, puisque tous ces nouveaux arrivants se sont ajoutés aux habitants de cette région qui étaient les communautés Khoi ou San. Et donc, ce qui est présent dans ce spectacle et dans ses répertoires, c'est à la fois, en première partie, ce qu'on appelle les chœurs malais, c'est-à-dire la tradition des chorales d'hommes qui alternent des chansons d'origine néerlandaise qu'on appelle les Nederland Liedjes, et des chansons comiques qui sont pour toutes ces communautés une manière de dire ce qu'ils ont à dire contre les gouvernements successifs et concernant leur vie quotidienne. Donc dans cette première partie, on a déjà deux éléments complètement différents et particulièrement vivants parce que à 25 chanteurs plus 5 qui jouent aussi des instruments comme guitare, guitare basse, banjo. Et tout ceci mené par le leader Anouar Gambeno qui joue de cette percussion magnifique qu'on appelle le gouma. On a un répertoire très vif, très rythmé, très coloré, où de temps en temps il y a une touche nostalgique avec ses chants, très ornementé, issu des racines de la musique des colons venus du nord de Hollande. Ça, c'est pour la première partie. quand on parle des traditions vocales du Cap, elles sont multiples, elles sont diverses, et c'est la passerelle, c'est le dialogue entre toutes ces traditions qui vont être le reflet du spectacle. Oui, mais ce qui est frappant quand on arrive en Afrique du Sud d'une part, mais surtout au Cap, c'est cette diversité de population, de langue. Tout simplement, si vous allez dans un supermarché, vous allez entendre énormément de langues. De l'anglais, évidemment, avec un accent sud-africain, mais aussi de l'afrikaans, beaucoup. Et puis la langue Xhosa, qui est, disons, une des langues principales, qui est une langue à clic. Et tout ça crée une, un environnement sonore tout à fait extraordinaire. Oui, on serait tenté de dire à chaque langue correspond un chant, donc avec des traditions particulières. En tout cas une musique, ça c'est sûr. Mais vous savez très bien comment ça se passe, les uns empruntent aux autres. Et recréent leur domaine personnel. Donc je vous ai raconté la première partie avec les chœurs malais, et dans la deuxième partie, c'est un autre chœur qui rentre en scène. C'est un chœur de jeunes formé par un extraordinaire musicien, instituteur, professeur d'anglais qui s'appelle Pumit Sewu, et qui depuis des années et des années, par souci d'essayer de tirer les enfants, les adolescents et les jeunes adultes de la rue pour leur éviter de sombrer dans tous les petits trafics qui se multiplient dans les townships, eh bien, il les fait chanter. Et là, on change complètement de répertoire. C'est un chant où c'est un programme où on entend à la fois des chants populaires, profanes, et aussi des chants qui sont comme des cantiques, influencés par des compositeurs qui vivaient au XIXe siècle et qui ont écrit ces cantiques sous l'influence des chants que leur avaient enseignés les missionnaires. Donc ça, c'est la seconde partie. La troisième partie, ce sont les chansons du carnaval. Alors, le carnaval de Cape Town, c'est l'événement du nouvel an au Cap, c'est pas le carnaval de Rio, mais c'est un peu le même système. Les associations, les groupes défilent dans des formations qui ont été faites dans les différents quartiers, dans tous les townships du Cap. Et il y a un défilé avec des chansons et des danses. Et il y a un jury. Et ce jury, à la fin des défilés, doit donner le prix du groupe de l'année. Donc, dans la troisième partie du spectacle, nous avons quelques-unes de ces chansons de carnaval avec les costumes du carnaval. C'est assez spectaculaire, je dois dire. Ça c'est la troisième partie. Dans la quatrième, en fait, il y a une quatrième partie, c'est que j'ai proposé aux deux chefs de chœur de réunir les deux chœurs. Donc à la fin du spectacle, ils sont 50 sur le plateau et ils chantent et dansent du répertoire populaire. Et ce sont deux chœurs qui ne se connaissaient pas. Donc c'est une proposition inédite dans le cadre du Festival d'automne à Paris. La rencontre avec l'Afrique du Sud, ce n'est pas la première fois que ce lien se fait avec votre propre festival. Je crois savoir depuis les années 70, il y a déjà eu plusieurs autres rencontres. Oui. Quelle est l'importance pour vous justement au travers de ces rencontres, voire de ces propositions inédites, le fait pour que ces artistes puissent venir aussi en France? C'est une longue histoire. Moi, j'ai une passion pour la musique du Cap, en tout cas. Mais vraiment une passion. Et c'est une histoire qui dure depuis que j'ai travaillé avec Abdoulaye Ibrahim, qui était venu au Bouffes du Nord en 1977. Parce que au cours des concerts d'Abdoulaye Ibrahim, j'ai pris conscience là aussi de la couleur, du rythme, des harmonies qui sont vraiment typiques de cette région. Je ne les ai jamais retrouvées ailleurs. Et voilà, c'est une chose que je voulais faire depuis des années, et ça a été assez formidable pour moi qu'il y ait cet échange entre l'Afrique du Sud et la France à l'initiative de l'Institut français, et qu'on ait l'opportunité de faire venir des grands groupes. Parce que ce qui fait vraiment l'effet et qui projette vers le public tous ces chants, c'est la masse chorale. Mmh. C'est formidable avec 10 musiciens, 10 chanteurs, mais quand ils sont 25, et encore mieux quand ils sont 50, c'est vraiment extraordinaire. Et je suis absolument convaincue que tout le monde va être vraiment très touché, que le public va sentir à quel point cette diversité de population, cette diversité dans les chants a une énergie vraiment frappante, quoi. Oui, parce que c'est enraciné dans la vie quotidienne. C'est pas simplement des instants de spectacle, des moments de, on va dire, d'expression artistique. C'est dans la vie du quotidien. Tout le monde chante. Et oui. Tout le monde chante. Mm. C'est les enfants, les anciens. Vous verrez dans les groupes qui viennent, dans les deux chœurs, il y a tous les âges. Oui, vous citiez Abdullah Ibrahim, il disait la chose suivante, l'Afrique reste sans doute le seul lieu où les musiciens peuvent encore, par leur musique, tenir leur rôle dans la société, et c'est d'Afrique que viendra la musique de l'avenir. Je crois que c'était déjà un visionnaire, puisque c'est dans les années 70 qu'il a fait ce type. Il a dit ça à la fin des années 70, oui. Il était en exil, il vivait à New York, et il n'a remis les pieds en Afrique du Sud qu'à partir de 90 ou 91, en tout cas après la libération de Nelson Mandela. Un grand merci Joséphine Markovitz pour nous avoir présenté ce spectacle, cette rencontre inédite, comme vous l'avez dit, avec ces deux ensembles pour une soirée sous l'intitulé « Tradition vocale du Cap », un moment exceptionnel à vivre le 4 octobre prochain, vendredi 4 octobre, au Théâtre des Louvrets à Pontoise, à l'affiche de l'apostrophe, et cela dans le cadre d'un partenariat avec le Festival d'automne à Paris. Merci à vous. Merci à vous. Très bonne journée. Au revoir. Oui, spectacle présenté en partenariat avec le Festival d'automne. C'est juste à préciser que d'autres spectacles seront également à l'affiche de l'apostrophe dans le cadre de ce partenariat avec ce même Festival d'automne à Paris. Je pense à Perturbation de Thomas Bernard sur une mise en scène et adaptation de Christiane Loupas, l'une des personnalités majeures du théâtre européen, originaire de Pologne, le 22 octobre prochain, autour de la condition humaine, qui est disséqué sans phare. Crax de Bruno Beltrão de la street dance à la scène autour de la culture hip-hop du Brésil. Un spectacle de danse présenté le 29 novembre prochain au Théâtre des Louvrets. Pindoramas de Lia Rodriguez le 3 décembre prochain. Un spectacle de danse. Et pour juste dire quelques mots concernant Lia Rodriguez, c'est au sein d'une gigantesque favela qu'elle a souhaité installer son lieu de travail, convaincue d'y mener une démarche de résistance et aussi de travailler sur la partie artistique et pédagogique. Un spectacle à voir et à découvrir donc le 3 décembre prochain. Je suis certain qu'on aura l'occasion d'évoquer ces différents spectacles dans les prochaines éditions de l'émission L'Apostrophe, l'émission sur RGB. Nous allons entendre un extrait musical autour des traditions vocales du Cap, comme on vient de l'évoquer il y a un instant. Don't Monaco. L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. La Terre qui ne voulait plus tourner. C'est le spectacle dont nous allons parler avec notre deuxième invité, Jean-Louis Ekel. Bonjour. Bonjour. Alors, co-metteur en scène de ce spectacle, je vous ai présenté ainsi tout à l'heure. Par ailleurs, vous êtes metteur en scène. Je vais dire quelques mots sur votre parcours pour faire plus ample connaissance avec nos auditeurs. Alors tout d'abord, préciser qu'il y a une équipe de création autour de ce spectacle avec l'auteur en particulier, Françoise Duchaxel. Il y a donc Jean-Louis Ekel comme metteur en scène, mais vous n'êtes pas seul comme metteur en scène. Il y a Guy Frex, qui dirige voilà, sur le Théâtre Dufresne, ce que nous connaissons bien sur cette antenne et aussi à l'apostrophe, puisqu'il a déjà eu l'occasion d'être accueilli avec le spectacle Promesse, Cabaret Le Vin, c'était en novembre 2011, puis le Cabaret Rullier en février avec le Théâtre Uvol. Voilà qui est dit pour les présentations. Alors, en ce qui vous concerne, juste un petit rappel de votre parcours, vous avez été comédien au Théâtre du Rond-Point chez Jean-Louis Barrault, des souvenirs encore toujours présents aujourd'hui ? Bien sûr, plus que jamais. Mais on a été comédien marionnettiste chez Barrault. On a fait jusqu'en 1986. Voilà, c'est ça. C'est un, quand on cite effectivement les grandes références du théâtre français aujourd'hui, les plus jeunes l'ont peut-être oublié ou ne le savent pas, mais effectivement Jean-Louis Barrault fait partie de ces immenses références théâtrales en France. Est-ce que son héritage se transmet par le travail comme des hommes de théâtre comme vous-même, ou est-ce que ça continue de se propager auprès des plus jeunes générations? Barrault, il est connu maintenant plus par le souvenir du cinéma, Les Enfants du Paradis, etc. Mais il faut jamais oublier qu'il est issu de la tradition du mime, de la pantomime, des clowns blancs, etc. Et de la marionnette. Et quand il nous avait demandé à l'époque de travailler avec lui, ça a été une rencontre formidable parce qu'on démarrait à l'époque, donc ça nous donnait l'occasion, comment dire, d'avoir une grande liberté. Il nous a confié vraiment beaucoup de responsabilités alors qu'on se connaissait absolument pas. Et ça nous a permis, moi, de créer notre premier spectacle à l'époque qui s'appelait Grandir et qui a fait le tour du monde après. Et c'est grâce à Barreau, on lui doit ça. Vous avez ensuite créé votre propre compagnie, le Nada Théâtre avec Babette Masson. Voilà. Et en 2006, vous vous êtes installé dans un lieu, ce qu'on peut appeler une fabrique, un lieu de fabrique, comme il en existe quelques-uns en France. Vous, c'était sur Pantin, ce lieu de fabrique que vous avez baptisé la Nef Manufacture d'Utopie. Pourquoi ? Parce que je crois en l'utopie et que Manufacture d'Utopie, c'est une ancienne manufacture déjà. On est lié à au travail de la matière, on est lié au travail de la manipulation dans tous les sens du terme. Donc voilà, le mot manufacture, fabriquer constamment et incessamment et constamment surtout des utopies, ça me paraissait essentiel. Lieu dédié à la marionnette, au théâtre d'objets et à l'écriture contemporaine. La marionnette, donc, c'est votre, non pas source d'inspiration, mais votre ce moyen d'expression premier. Voilà. Comme Guy, d'ailleurs, on a été formés tous les deux par l'école Lecoq. Guy, après, a emprunté plus la voie du masque et le travail du masque, etc. Et moi, j'ai rencontré, grâce à Philippe Gentil, avec lequel j'ai travaillé pendant une dizaine d'années, la marionnette. Et la marionnette, l'acteur marionnettiste. Je dirige par ailleurs l'école nationale de... Parce qu'il y a une école de marionnettistes à Charleville-Mézières. Avec un grand festival. Avec un grand festival mondial qui va s'ouvrir la semaine prochaine. Mmh. Et donc, du coup, cette rencontre avec Guy, c'est aussi autour du masque et de la marionnette. Deux formes, comment dire, qui sont apparentées, mais qui ont beaucoup de choses en commun, mais qui ne sont pas assimilables non plus. Donc, la rencontre autour de cette création, c'est aussi celle-là. Entre le masque et la marionnette. Rencontre avec un texte, avec un auteur, Françoise Duchâtel. Duchâtel, pardonnez-moi, on corrige vite. Alors oui, rencontre avec un texte, un auteur, un texte qui à l'origine était il y avait eu un premier travail d'écriture il y a une trentaine d'années, je crois savoir. Oui, Françoise l'avait adapté, écrit pour une communauté d'enfants. Qui était d'une communauté d'enfants, comment dire, un peu livrés à eux-mêmes. Et on le sent encore, c'est un travail choral qu'elle a fait, une fable, pour des chœurs. Et donc nous, sur scène, on est trois, donc ça nécessite un travail de réadaptation, etc. Mais l'actualité de la question qu'elle pose, parce qu'il n'y a aucune morale dans l'histoire, il ne s'agit pas de ça, mais la façon dont elle pose la question de l'écologie contemporaine, la façon de se comporter par rapport à la chère planète, la Terre-mère... par quel bout on prend cette grande question de... Oui, ça nous a beaucoup concernés. Oui. Une question qui se pose à chacun de nous aujourd'hui, en effet, sans être dans le côté alarmiste, il n'empêche le fait écologique est pris un peu plus au sérieux aujourd'hui, 30 ans après sa première écriture. La Terre qui ne voulait plus tourner, on imagine un petit peu la pagaille que ça pourrait proposer à ceux qui vivent sur cette Terre. Alors, c'est une trentaine de personnages, ai-je vu, ceux qui sont placés dans des situations très inhabituelles. On est dans l'imaginaire, cependant. Oui, mais il y a aussi bien imaginer une ville où d'un côté il y a le soleil, de l'autre côté il y a la nuit. Enfin voilà. Donc à partir du moment où la Terre est bloquée, c'est arrêté. On joue beaucoup sur l'ombre et la lumière et sur le fait qu'il y ait d'un côté ceux qui sont en lumière et qui ont trop chaud, et ceux qui sont en l'ombre et qui ont très froid, etc. Donc ça crée bien sûr des conflits, il y a des cœurs d'enfants, il y a des responsables, onusiens, politiques, qui prennent la parole. Tout le monde essaye de convaincre, et les planètes aussi, dont Mars et la Lune, essayent de convaincre la Terre de se remettre en marche. Parce qu'il y va, si ça dure trop longtemps, ça peut dégénérer très vite. Pour l'auteur, elle dit « L'écriture est aussi une manière de s'engager. Je suis persuadé que le théâtre, c'est comme la vie. Tantôt c'est comique, tantôt c'est tragique. » Elle précise également qu'au travers de sa pièce, ce n'était pas simplement l'idée de se sensibiliser à la dimension écologique, mais de poser une question qui se pose encore également à nous tous aujourd'hui, l'idée même du progrès. On parle Absolument. De plus en plus de cette question dans la vie quotidienne. Autant se sensibiliser les plus jeunes, parce que c'est au départ un spectacle jeune public. Oui, absolument. Et c'est aussi notre alliance avec Guy, c'est de poser la question du tout public à partir de là, c'est à partir de 8 ans. Donc c'est très animé, c'est très visuel, mais on tient beaucoup à ce contenu dont parle François, c'est-à-dire le contenu politique. Comment on peut parler sans être schématique ou dogmatique, comment on peut parler aux enfants aussi d'engagement et de vision politique, ça nous paraissait essentiel et important. Et on va faire une petite manifestation à la Nef autour du Salon du Livre de Montreuil plus tard en novembre autour de ce thème-là, sur l'engagement de l'écriture. Entre Guy Frex et vous-même, dans un petit peu les notes d'intention des metteurs en scène, vous avez dit ou écrit pour cette création le désir de partager nos pratiques théâtrales et d'interroger ensemble l'apport des masques et des marionnettes. Comment manipuler un masque et comment faire vivre effectivement et dialoguer une marionnette. Nous rêvons d'un spectacle où l'imaginaire puisse se déployer, dans lequel masques et marionnettes viennent échanger, compléter leurs forces de suggestion. Donc là, effectivement, sur scène, deux comédiens manipulateurs. Pascal Blaison, qui fabrique aussi les marionnettes, et François Accard, et un musicien, Christophe Cagnolari, mais qui est intégré au... C'est un trio, en fait, parce que les trois sont amenés à animer, à jouer, le musicien compris, bien sûr. Oui, parce qu'effectivement, la musique tient un rôle important. Et quand on dit musicien, j'allais dire, quand on dit musique, c'est y compris peut-être les illustrations sonores avec des ambiances entre le son et la musique, ce qui nécessite donc une scénographie sonore qui demande quelques manipulations particulières. Et vous avez dit, afin de se représenter métaphoriquement les planètes, parce qu'effectivement... Comment amener sur scène toutes les planètes, la cosmogonie? On a beau se forcer dans son propre imaginaire, faut-il encore suggérer? Alors, d'autres illustres plasticiens comme Calder, Giacometti, Tinguely et bien d'autres ont répondu à ce défi. Théâtralement, comment répondre à ce défi? Nous, c'est Miro, en fait, qui nous a beaucoup aidés. L'univers de Miro, avec ses petites planètes et ses échelles et ses couleurs, ses taches de couleurs, nous a beaucoup aidés. En fait, les Pascal Blaison s'est beaucoup inspiré de Miro, d'étoiles de Miro. Il y a carrément des costumes inspirés d'étoiles de Miro, etc. Les marionnettes, les têtes de marionnettes sont des têtes, on peut dire, d'issues des toiles de Miro, etc. Donc c'est un univers dans lequel on est. C'est une cosmogonie à elle toute seule, l'univers de Miro, c'est magnifique. Alors, une trentaine de personnages, je disais tout à l'heure, la morale de l'histoire, ça va bien finir, cette affaire? Mais non, bien sûr que non. Non, bien sûr que ça va bien finir, mais là, c'est tout l'art de poser la question, de bonnes questions. Et encore une fois, Françoise, on est bien d'accord sur l'histoire de cette fable, c'est pas de donner une morale à cette fable, mais que les enfants eux-mêmes prennent en compte cette question-là de la façon de se comporter par rapport à notre Terre, et de la façon de se comporter tous les jours, parce que, comment dire, c'est un accident majeur grave quand la Terre s'arrête. Et il y a une tension dramatique, bien sûr, mais bien sûr qu'elle va retourner, peut-être les spectateurs s'en doutent bien, elle va se remettre à tourner. Mais elle va mettre ses conditions. Et qui arrive à la convaincre? Un petit enfant, Jean de la Lune. Qui écrit au président, mais en fait, c'est la Lune va... Par l'intermédiaire de la Lune, la Terre va accepter de se remettre en route parce qu'elle a entendu l'argumentaire de cet enfant. Et que les enfants, sont encore les plus concernés. Françoise Duchazel, donc l'auteur, a un style d'écriture particulier qui est, on va dire, un bon matériau pour le théâtre. Mais oui, parce que Françoise a écrit beaucoup de textes. Elle dirige une collection de création pour enfants, elle connaît beaucoup d'auteurs, et elle pratique beaucoup, et c'est pour ça qu'elle nous, chaque fois qu'elle vient en répétition, nous, dramaturgiquement, elle est essentielle, parce qu'elle nous remet dans l'axe des choses, et elle a un style, simple, et ce qu'il faut aussi pour un tout public, c'est-à-dire simple, efficace, mais lumineux, quoi. Voilà. On va l'appeler comme ça. Alors, il n'y a pas de morale dans l'histoire, mais cependant, l'auteur dit, la fin est ironique. Je fais confiance à l'intelligence des hommes qui, comme le colibri de Pierre Rabhi, sont de plus en plus conscients que chacun doit faire sa part dans cette histoire pour que l'histoire finisse plutôt bien. C'est ça un bon spectacle, non? C'est quand chacun repart avec son histoire et avec sa façon de comprendre et d'intégrer l'histoire à sa propre vie. Et pour les enfants, pour nous, c'est essentiel que les enfants s'emparent vraiment de cette histoire-là pour se confronter à cette question, voilà, de leur comportement vis-à-vis de tous les jours, en fait. C'est du quotidien. Ouais. C'est là que ça se passe, là, notre engagement politique. Un travail de création qui s'est fait en plusieurs étapes. J'ai lu qu'il y a eu un premier travail d'exploration en janvier dernier, un travail de résidence en avril, puis les répétitions entre la nef à Pantin et à l'apostrophe ici à Cergy-Pontoise, eh bien, entre ce mois d'août et septembre. Et la création, c'est pour octobre. C'est pour début octobre et ce labo était nécessaire parce qu'on a travaillé avec un scénographe qui s'appelle Antoine Vasseur. Donc il faut essayer. Nous, on est très... quand on travaille le masque et la marionnette, c'est empirique, c'est pragmatique, c'est prosaïque même. Et du coup, des fois, il y a des choses où il y a des marionnettes qu'on fabrique qui ne marchent pas sur scène, qui sont très jolies à voir, mais qui ne fonctionnent pas. Donc on a toujours besoin de pratiquer un labo, une espèce de labo. On essaye plein de choses et ensuite, on trie, on fait le tri, on garde ce qui marche, ce qui ne marche pas. Voilà. Vous parliez de l'apport de la vidéo dans ce travail et dans ce spectacle ? Non, là, c'est surtout Pierre Perronnet avec la lumière. On va beaucoup plus travailler avec la lumière, en fait, qu'avec la vidéo, parce qu'on s'est rendu compte que la lumière était encore plus essentielle. La vidéo, c'est très, très bien, mais c'est un peu illustratif par rapport à une cosmogonie ou un univers comme celui de Miro. Travailler avec les couleurs et la lumière, c'était plus intéressant. Un spectacle qui sera présenté donc au mois d'octobre avec d'abord une répétition publique surprogrammée le mardi 1er octobre à 20h30, puis une série de représentations à la fois pour les scolaires puisque c'est destiné au tout public et au jeune public d'abord, mais au tout public en effet, puisque le jeudi 10 octobre il y aura une représentation à 19h30 et le samedi 12 octobre à 17h pour permettre aussi aux parents de pouvoir assister. Partager un spectacle avec leurs enfants, pas simplement pour les accompagner. Moi, je crois personnellement beaucoup à ça, ce mélange entre parents et enfants. Et comment dire, que les parents y trouvent autant d'intérêt, qu'ils accompagnent pas juste leurs petits-enfants pour aller voir un spectacle gentiment, mais qu'ils participent aussi. Oui, parce que le sujet, ça interroge. C'est un bon moyen de discuter entre parents et enfants. Pas entre parents et enfants sur la façon de se comporter, sur la façon de faire le tri, de manger, sur plein de choses. Reprise de ce même spectacle, ce qui sera se proposer aux spectateurs dans le Val d'Oise à l'auditorium de Coulanges à Gonesse au mois de juin prochain, juin 2014, du 3 au 6 juin. On aura également l'occasion de rappeler ces informations sur cette antenne de radio. Dans votre escarcelle, d'autres créations, d'autres utopies à la nef à Pantin ? Ah oui, beaucoup de créations. C'est un lieu, comme on en parle, on peut en parler 30 secondes. Un lieu, c'est une manufacture d'utopie, mais c'est un lieu de compagnonnage, c'est-à-dire qu'on a une mission pour le ministère d'accompagner des artistes émergents. Donc nous, ce que j'adore faire, c'est accompagner le processus de création, et on s'arrête au seuil de l'exploitation, on s'arrête au moment où le spectacle part après dans les circuits, disons, institutionnels. Et nous, on est là pour accompagner aussi bien administrativement au niveau de la production que la diffusion, que artistiquement. Des projets des projets en cours. D'où aussi mon intérêt par rapport à l'école, parce que du coup il y a beaucoup de mes anciens étudiants qui repassent par là. Et ça fait une espèce de vivier. On est trois lieux compagnonnage en Île-de-France, hein. On n'est pas les seuls, on y en a un autre dans le 20e, Alain Recoin, et il y en a un autre à Clichy, François Lazaro. Donc on travaille beaucoup ensemble, et puis il y a la Biennale de la Marionnette aussi à Pantin tous les deux ans. Il y a un théâtre qui va s'ouvrir pour la marionnette, le théâtre Mouffetard va être consacré à la marionnette, enfin ça commence à être... Ce que je lisais concernant le travail particulier mené en particulier donc à la nef, c'est que la marionnette contemporaine peut être pratiquée sous tous les angles, de la tradition aux nouvelles technologies. Si on a du mal à concevoir effectivement comment se fait le lien, est-ce que la marionnette va pouvoir à court terme se passer du manipulateur, du comédien manipulateur ? On est en passe de fabriquer des marionnettes virtuelles. Mais ça n'empêchera jamais le rapport à la manipulation. Il y aura toujours un rapport à la matière. Il y aura les deux. Ça ne peut que s'enrichir et s'ouvrir. Mais ça ne se fera pas au détriment l'un de l'autre. voyez, je suis optimiste. Mais il y a une confrontation qui est intéressante. Avec l'idée aussi que l'art de la marionnette, comme celui du masque d'ailleurs, c'est aussi de pouvoir créer des passerelles avec d'autres disciplines artistiques, le théâtre, la danse, la musique, les arts plastiques également, puisqu'on va en parler dans quelques minutes. Bah, beaucoup, oui. Et nous, on engage, chez nos étudiants, il y a beaucoup de gens des Beaux-Arts ou de l'école Boulle qui sont issus, comment dire, du monde des arts plastiques, c'est essentiel. Il y a beaucoup de performances aussi en ce moment. La danse contemporaine en fait pas mal. La marionnette est en train de s'émanciper et nos institutions CDN et autres commencent vraiment à l'intégrer comme étant, non pas juste, justement, un spectacle pour les petits-enfants et voilà, est constitué comme un art majeur parmi les autres. Oui, c'est vrai. À l'égal des autres. Cependant, alors, il y a eu pourtant d'immenses créateurs dans le domaine pour donner une autre vision à la marionnette. Cependant, ça reste encore une image qui colle à la marionnette, comme si la marionnette était le domaine réservé des enfants et qu'il n'y avait aucune possibilité de traduire un texte, quel que soit le texte théâtral, par l'intermédiaire de la marionnette. Qu'est-ce que la marionnette aujourd'hui apporte en particulier au théâtre, au monde du théâtre ? La métaphore, le sens de la métaphore, le sens de l'allusion. On a beaucoup parlé des mannequins de Cantor. Cantor était très inspiré par la marionnette. Et comment dire, il y a eu Philippe Gentil qui a ouvert la brèche quand même. Au théâtre de la ville, à 18h30, personne ne savait. Tout le monde allait au jardin du Luxembourg accompagner ses enfants voir le Guignol. Et Philippe Gentil avait ouvert la brèche à 18h30 avec, comment il s'appelait le directeur, Violette, je crois, à l'époque, qui était les pionniers en la matière, Gérard Violette, et qui avait fait en sorte que la marionnette s'émancipe. Et ça avait marché tout de suite. Je veux dire, après. La marionnette, ce qui est passionnant, c'est effectivement ce lien entre la tradition. Par exemple, là, il va y avoir un spectacle magnifique au Festival d'automne de Bunraku japonais. Les trésors nationaux vivants qui vont venir, qui se déplacent très rarement, qui vont être là. Donc, bien sûr, on va emmener nos étudiants. Mais il y a cette tradition-là très forte et il y a cette force incroyable qui pousse et qui fait qu'on fait de la marionnette virtuelle, on fait de la marionnette 2D, 3D. On mélange avec des danseurs, avec des matériaux. Enfin, voilà, toutes les formes, beaucoup de matériaux d'ailleurs sont manipulés de plus en plus. Plus que, autant presque que des poupées, on va dire. Merci Jean-Louis Ekel de nous avoir donné de l'appétit pour aller découvrir ce spectacle, cette création. Je le rappelle à nos auditeurs, premier rendez-vous, répétition publique le mardi 1er octobre à 20h30, puis une série de représentations du mardi 8 au samedi 12 octobre avec des horaires différents. Je vous renverrai vers le site internet et le téléphone de l'apostrophe pour connaître de manière précise les horaires des représentations qui toutes se dérouleront au Théâtre des Arts à Cergy-Centre, donc à l'invitation de l'apostrophe, la scène nationale de Cergy-Pontoise. Vous allez nous présenter, vous allez nous présenter une musique. Vous êtes venu non pas dans votre besace, mais sur votre tablette avec une musique à partager avec les auditeurs. Voilà, une musique de Christophe Cagnellari, qui a un ensemble qui s'appelle Agnata aussi, qui fait du sound painting. Donc voilà, Christophe Cagnellari. Merci à vous. Compositeur du spectacle. L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Occasion singulière, eh bien, d'évoquer une programmation qui se retrouve au fil des années autour des arts plastiques. La rencontre, la relation entre les arts plastiques et l'apostrophe, pour ceux et celles qui nous écoutent, se disent peut-être que ça ne va pas de soi, parce qu'un lieu théâtral, pourquoi devient-il un lieu d'exposition ? Eh bien, pour en parler, nous avons pour invité Jean-Pierre Plondre, plasticien, conseiller arts plastiques de l'apostrophe. Artiste, lui-même bien connu sur la région, et pas simplement sur Cergy-Pontoise, qui va nous dire un petit peu d'abord sa rencontre, sa relation avec l'apostrophe, et ensuite, dans la continuité, nous présenter deux actualités art plastique qui se dérouleront dans les prochaines semaines. Jean-Pierre, la relation, la rencontre avec l'apostrophe et cette idée qu'un lieu de théâtre, de spectacle vivant soit aussi également ouvert à l'expression des artistes qui, eux, travaillent dans différentes disciplines ou expressions en art plastique. Alors bonjour, ma première rencontre avec l'apostrophe et avec Jean-Joël Le Chapelain, ça s'est fait à l'occasion de l'exposition de Bernard Venet. Et l'apostrophe était partenaire de cette exposition. Et à l'époque, on m'avait demandé d'écrire le texte du catalogue pour les sculptures de Bernard Venet qui avaient été installées à la base de loisirs de Cergy. C'était un grand événement. Et à cette époque, donc, j'ai rencontré Jean-Joël Le Chapelain. Et petit à petit, entre nous, est née une relation à la fois amicale et professionnelle par rapport aux arts plastiques. Donc, j'ai déjà exposé à l'apostrophe peu de temps après des carnets. Ensuite, on m'a confié la réalisation d'un petit carnet autour du festival périphérique. Et aussi, je réalise les visuels de communication, les premières de couverture de la plaquette depuis 3 ans. Avec l'idée que quand on est soi-même artiste, on est aussi ouvert à la découverte d'autres artistes, pas simplement ceux qui existent dans la région, mais peut-être d'autres artistes qui méritent de recevoir un regard particulier de la part des spectateurs qui viennent au théâtre. Bien sûr, oui, moi, mes admirations sont multiples pour d'autres artistes et surtout ceux qui font un travail complètement différent ou quelque chose que je ne saurais pas faire. Donc ça, oui, je suis très curieux. En tout cas, je visite beaucoup de galeries, je suis curieux, j'ai beaucoup d'amis artistes et effectivement, je trouve ça intéressant de pouvoir les montrer dans un lieu qui n'est pas forcément un lieu d'art plastique. Mmh. La confrontation du public qui vient voir un spectacle, un concert et qui découvre des œuvres d'art, c'est vrai que ça n'est pas forcément une habitude aujourd'hui et on voit bien les expériences des années précédentes le montrent, le confirment, qu'il y a une vraie curiosité de la part du public qui vient pour le coup découvrir des œuvres d'art. Voilà, je crois qu'au fil des années à l'apostrophe, on sait que c'est un lieu dans la région où il y a une programmation, quelque chose qui est assez cohérent et même plutôt très cohérent. Et donc le public qui vient assister à un spectacle, c'est un peu un public captif, mais en tout cas, il est très réceptif à ces présentations. Mmh. Et donc je crois que d'année en année, le public augmente et les rencontres se font de plus en plus fructueuses. On va commencer par présenter la première exposition qui aura lieu pour cette saison 2013-2014. L'exposition débutera le 1er octobre jusqu'au 28 juin prochain, celle de Michael Gomnitz, qui est à la fois graphiste et cinéaste. La rencontre, là encore une fois, c'est une histoire de passerelle entre des disciplines artistiques différentes. Voilà, c'est une passerelle parce que, tout d'abord, l'apostrophe depuis, je crois que c'est la 4e année, dans le hall du Théâtre des Arts, présente une fresque, c'est une fresque éphémère puisqu'en fait elle ne dure qu'une année, sur ce grand mur, un mur de 10 mètres de long sur 2,80 mètres de haut. Et donc là est demandé à un artiste de réaliser cette œuvre sur un tirage numérique. Et l'idée, tout de suite, moi j'ai pensé à Mikhaïl Gomnitz quand de lui proposer ça, parce que Mikhaïl Gomnitz, en fait, pour les gens qui s'intéressent un peu au cinéma et aux arts vidéo, c'est quelqu'un de très connu. C'est plus un jeune homme. Autant l'an dernier, la fresque de Dugudus, là vous aviez invité un artiste émergent, tout jeune, je crois qu'il a une trentaine d'années, Dugudus. Autant Mikhaïl, il est né en 47, donc c'est pas un vieux monsieur, mais c'est plus un tout jeune homme. Et Mikhaïl a cette particularité d'avoir été un des premiers artistes en France à utiliser la palette graphique. Maintenant, avec tout le monde, c'est manipulé Photoshop, mais à l'époque, c'était très confidentiel, c'était au tout début des années 80. Et Mikhaïl, qui était déjà un peintre qui inscrit dans une démarche traditionnelle de peinture, a découvert lors d'un stage à l'INA les palettes graphiques, et là, il a trouvé son outil. Et ayant trouvé son outil, je crois qu'il a eu une période extrêmement fructueuse où il a produit des milliers d'images, des centaines de petits films, parce que en fait, dès qu'on travaille, et ça tous les gens qui travaillent avec l'infographie se posent cette question-là, c'est-à-dire que ces images, qu'est-ce qu'on en fait ? Elles sont à l'écran, et le débouché immédiat, c'est le film. C'est le film d'animation. Donc Mikhaïl, à partir de ces années-là, a travaillé pour Canal+, pour Arte, à l'époque où les chaînes de télévision réservaient des petits espaces qu'on appelait les programmes courts, des petits films de 2 ou 3 minutes. Et vraiment, il est reconnu à l'heure actuelle comme un des grands novateurs de cet art-là, de l'animation en palette graphique. Ensuite, il a un petit peu abandonné ce travail de palette graphique et il s'est consacré à la réalisation de documentaires, des documentaires de création, dont la plupart ont été primés, ont fait le tour du monde. Et donc voilà. Alors pour revenir à la fresque, quand je lui ai proposé ça, d'abord j'étais très content qu'il accepte parce que c'était un peu un honneur. Et il a dit, ben moi ça me plaît bien et je vais retrouver un petit peu dans ma bibliothèque d'images certaines choses qui m'ont particulièrement marqué moi personnellement. Et je vais faire dans cette fresque un peu le résumé de ma mythologie personnelle. De mes admirations. Pour le coup, c'est une vraie création. C'est une véritable création et c'est un petit peu un retour au fond à un support plus traditionnel pour Mikhaïl qui depuis une vingtaine d'années fait soit des films, soit des images vidéographiques. Là, il a vraiment créé spécialement pour l'apostrophe une œuvre qui se présente sous la forme d'une vague d'images dont on peut parler maintenant ou plus tard comme... On va faire court maintenant. On va faire court, voilà. On va faire court. Voilà. Donc, en fait, chacun retrouvera un petit peu à l'intérieur de cette fresque. Il y a à la fois des chats, il y a à la fois des personnages qui ressemblent à des chadocs, parce que Mikhaïl était aussi un admirateur de Jacques Rouxel, le créateur des chadocs, et il a travaillé aussi dans la même maison de production. On retrouve le portrait de Jean-Luc Godard, de Kate Kollwitz, qui est une artiste allemande, de Courbet. On retrouve un peu des personnages qui ont des formes ubuesques, on retrouve Kafka, on retrouve Paul Éluard. Comme quoi, il avait beaucoup de choses à dire, notre invité. C'est l'exposition, donc, Une fresque 4 de Mikhaïl Gomnitz, graphiste et cinéaste, à découvrir quand vous vous rendrez au Théâtre des Arts à Cergy-Centre, du 1er octobre au 28 juin, avec un vernissage qui est annoncé, rencontre avec l'artiste, d'ailleurs, le mardi 1er octobre à 18h30. Très vite, cette fois-ci, pour nous parler en quelques mots d'alphabet géométrique. Autre artiste qui va exposer dans le cadre bien de la présence des arts plastiques à l'apostrophe. Cette fois-ci, ça sera au Théâtre des Louvrets à Pontoise à partir du 4 octobre. Il s'agit du sculpteur Alban Lanor. Alors, Alban Lanor, c'est un sculpteur qui vit un petit peu à l'écart du monde artistique, bien qu'il expose quand même, mais il montre assez peu son travail. Et quand j'ai vu ces sculptures, j'ai pensé tout de suite que ce serait bien de les exposer là, dans le hall des Louvrets. Tout d'abord parce que Alban est un des... C'est pas un survivant, puisque maintenant beaucoup d'artistes font des installations, font des assemblages, mais Alban, lui, il sculpte vraiment dans la masse du bois. C'est on dit pas un vrai sculpteur, mais c'est quelqu'un qui est confronté à la matière d'une manière physique. Et au fond, il se définit comme un sculpteur autodidacte et un voyageur. Il a beaucoup voyagé en Amazonie, en Afrique. On parlait tout à l'heure de la musique du Cap. Et au fond, Alban, lui aussi, est un regard sur l'Afrique, parce que c'est là qu'il va récolter ses bois, c'est là qu'il les ramène dans l'atelier, qu'il les polie, qu'il les taille en forme simple. Et on a appelé ça alphabet géométrique, parce qu'au fond, ce sont des formes extrêmement variées, mais un petit peu sur la même thématique. C'est des variations sur l'identique de formes géométriques. Et la particularité de ces sculptures, c'est qu'il les entaille à certains endroits et qu'il les calcine. Donc il y a à la fois la matière vivante du bois et l'intervention du sculpteur. Merci. Il y aura d'autres rendez-vous avec les arts plastiques au cours de la saison à venir, qui ne fait que commencer, avec en particulier une exposition du photographe Maxime Godard et du plasticien Daniel Montes. Deux, trois mots rapides. Deux, trois mots. Alors, Maxime est un photographe qui fait essentiellement du portrait d'écrivains. Il a photographié tous les grands écrivains du XXe siècle, les poètes et les peintres. Et puis Daniel Montet, pour l'occasion, qui est plutôt lui peintre, va réaliser spécialement des sculptures, des peintures en volume, donc des sculptures qui vont... c'est plus du domaine là, un peu de l'installation dans le théâtre des Louvrets. Merci Jean-Pierre Plundre pour cette présentation. Les rendez-vous sont bien notés. On aura l'occasion de les rappeler également sur cette même antenne de radio locale RGB sur le 99.2. est temps, eh bien, d'aborder très rapidement la fin de cette émission. Quelques mots, Arnaud Vasseur, pour nous présenter les visites guidées qui seront organisées dans le cadre des Journées européennes du patrimoine qui auront lieu bien le week-end qui arrive. Les 14 et 15 septembre, oui. Oui, ça fait plusieurs années que l'Apostrophe organise, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, des visites guidées du Théâtre des Louvrais. Donc là, ça aura lieu samedi 14 et dimanche 15 à 15h. Et l'idée, c'est déjà de réfléchir le théâtre, notamment les Louvrais, comme aussi un lieu de patrimoine, un lieu qui a un repère citoyen, au-delà du réflexe qu'on peut avoir des fois de penser en termes d'église, en termes de choses un peu historiquement anciennes. Là, c'est aussi quand même un lieu repère pour le citoyen Sergi Pontin, le citoyen valoisien, un théâtre. Et donc, nous, on organise des visites guidées du théâtre de manière à ce que les gens qui ont l'habitude de rentrer dans le hall, de connaître le hall du théâtre, de connaître la salle de spectacle côté spectateur dans les fauteuils, de leur faire découvrir tout ce qu'il y a à l'intérieur, caché, ce qu'ils ne voient pas. L'envers du décor. Et qui leur permet aussi de comprendre comment fonctionne un théâtre. Les coulisses, etc. Les coulisses, mais c'est pas simplement les coulisses, ils vont monter, à chaque fois les visiteurs montent même sur le gris qui est au-dessus, à 15 mètres du sol. Très impressionnant. Très très impressionnant, parce qu'on voit la scène de 15 mètres en dessous de nous. Vous allez découvrir le labyrinthe que peut-être le Théâtre des Louvrais et comment fonctionne un théâtre au-delà d'être simplement des murs. Ça a un fonctionnement, ça a une identité très forte de 14 et 15 septembre, c'est ce week-end, à 15h, suivi d'une présentation des grands événements de la saison visiteurs par l'équipe de l'Apostrophe. Voilà, c'est pour l'associer quand même, puisque c'est quand même un lieu de spectacle vivant aux grands événements. Donc les gens qui vont venir, on leur présentera un petit peu quels sont les grands moments auxquels ils vont pouvoir assister et participer dans la saison. Eh bien, pour prendre contact avec l'Apostrophe, un téléphone, le 01 34 20 14 14, 01 34 20 14 14, ou sur internet au www.l'apostrophe.net. Remerciements à nos invités, Jean-Louis Ekel, Joséphine Markowitz et Jean-Pierre Plundre. Remerciements également à Arnaud Vasseur qui m'a aidé à préparer cette émission et à Jérôme Lotelier qui l'a réalisé. Cette émission, animée par votre serviteur José Guérin, sera rediffusée samedi 14 septembre de 9 à 10 heures du matin sur RGB 99.2 FM et sur radio-rgb.net, puis disponible en podcast sur le même site internet de la radio. Pour le prochain numéro de l'Apostrophe, l'émission, rendez-vous sur RGB 99.2 FM le mercredi 9 octobre de 19 à 20 heures. À bientôt. L'Apostrophe, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h. L'émission, coproduite par L'Apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d'Oise, et votre radio locale, RGB 99.2.